bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Cette émission est consacrée à la bonne musique. Et je vous invite à nager avec moi à l'intérieur des océans intersidérales du cirque. Et oui! Vous êtes accompagné de François Gécouillard, votre bouffon favori. On commence tout de suite avec un groupe qui s'appelle Sunrise and the Blues Project. La première pièce, ça va être Batman and Robin Swing. Oh là là! Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme, et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel, et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite, et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Là, vraiment de la musique qu'on écouterait en époussiérant des choses dans sa casbah. On vient d'entendre trois pièces d'un album dédié. C'est de la musique de Batman and Robin. Ce sont tous des pièces instrumentales, sauf la dernière que vous venez d'entendre, dont les paroles sont essentiellement « Robin, hey! » répété 38 fois. La dernière pièce s'appelait Robin Stem. Avant, c'était The Riddler's Retreat. Et la première pièce, c'était, attention aux âmes sensibles, Batman and Robin Swing. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est une compagnie de jouets qui a décidé de faire un peu de cash sur la populaire série télévisée pour les enfants de Batman, la série d'Adam West. Donc, en 1966, ils ont décidé de faire cet album-là. Et c'était crédité au nom de The Sensational Guitars of Dan and Dale. Alors qu'en réalité, c'est pas partout de ça. C'était Sunrise Orchestra and Al Cooper's Blues Project. Et pour empêcher que les frais de droits d'auteur explosent, ils ont décidé d'utiliser des tracks de pièces qui sont gratuites, qui sont dans le domaine public, comme par exemple la Polonaise de Chopin ou la 5e symphonie de Tchaïkovski. Donc toutes les pièces sont instrumentales, à part Robin's Theme, avec une espèce de madame qui chante. On imagine qu'elle doit être noire. Et on sait pas c'est qui. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour sauver une couple de pièces? Et oui, c'est au Cirque aquatique magique que vous entendez ça, à l'antenne de Sequoia 88.3. En votre gaillard de compagnie, François Gécouillard, c'est pour moi une immense jouissance de vous rejoindre dans votre couchette. Et puis, ben, écoutons, cette émission c'est dédiée à la musique, alors on va aller écouter maintenant des pièces dédiées à Pierre Henry, maître de l'électroacoustique. Vous parlez avec moi, 529-9026, ou sinon, Facebook. Un jour, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit « Je veux me suicider ». Je vis au 8e, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai dit « Sautez ». Là, la colère a fait place à son chagrin. « Comment, me dit-il, je viens chercher un réconfort et vous m'invitez à me tuer, mais vous vous moquez de ma souffrance, vous êtes un monstre ». Et là, pendant 20 minutes, il a fait de moi l'objet de sa colère et de sa haine. Puis il est parti en claquant la porte violemment, en disant que j'étais un imbécile, un déprimé, un maniaque. Et il vit encore aujourd'hui, 10 ans après. Et il ne s'est pas suicidé. Je crois que c'est ça. Vous êtes amis toujours? Oh non, non. Pas du tout. Il ne peut pas sentir que j'existe, mais sa haine pour moi le tient en vie. C'était quand même quelque chose, hein? Pierre Henry, maître de l'électroacoustique. On a entendu la pièce Jericho, Teen Tonic et Psyché Rock. Psyché Rock, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le thème de Futurama, la populaire série animée. Donc, qui c'est ce Pierre Henry? Ben, c'est un maudit français, considéré comme l'un des pères de la musique électroacoustique. Et il est entré au Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans. Le gars de la campagne débarque en ville, et voilà, à 10 ans, rentre au Conservatoire. Et c'est à la suite de la création d'une bande de sons pour un film qui traite de l'invisible, qui va naître Symphonie pour un seul homme en 1950. Première œuvre fondatrice de la musique concrète. Musique concrète qu'on nomme aussi musique acousmatique. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais François, qu'est-ce que c'est ça de la musique acoustatique? De la musique acoustaquoi? Acousmatique. Il s'agit d'un son que l'on entend sans voir la cause qui le produit. On pourrait donc dire que la radio est un média acousmatique. Oulala! Ça recouvre l'ensemble des genres musicaux faisant le usage de l'électricité dans la conception et la réalisation des œuvres. Voilà, vous connaissez un nouveau terme, l'acousmatique. Un nouveau terme générique. Et oui, vous êtes avec François Gécouillard, c'est l'émission Le Cercle Aquatique Magique à CKIA 88.3, la radio de la bonne humeur. Et on va maintenant écouter un bloc, là, à mon avis, ça va vous mettre de bonne humeur, solidement. Si vous avez envie, justement, de vous pitcher en bas du 8e étage, comme le suggérait André Moreau, ne le faites pas, montez le son et mettez-vous ça dans les oreilles. Un petit bloc consacré à la musique quétaine. C'est belle et douce, la Philippanima se pousse sur le rivage et toute la plage fait. Ah. Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait. Mais elle ne voit que la mer. Grande main, c'est belle et douce, comme une vague dans sa course. Il ne voit qu'elle, mais elle ne voit que la mer. Grande main, c'est belle et douce,

il est venu se client d'abord tous les samedis et de plus en plus souvent tous les après-midi. La fleuriste connaît maintenant tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va le bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Un jour, en préparant son éternel bouquet, elle a dit gentiment, vous savez, je m'en vais. Je me marie demain, vous ne me verrez plus, mais je vous aime bien, voici ni rose. Je ne veux plus de rose, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existaient jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle, gardez vos bouquets. C'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais, c'est vous que que c'était bon, ça. Fernand Gignac. Oui, messieurs, dames. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Un petit bloc consacré à la musique quétaine qu'on a parfois honte d'aimer. Mais il faut pas avoir honte, il faut s'assumer. Juste avant, c'était Chaque jour que Dieu fait, vous l'avez reconnu, Evan Johannes lui-même, avec sa moustache. Et la première pièce du bloc, c'était La fille d'Ipanema, interprété en français pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, par Michel Louvain. Michel Louvain, né à Thetford Mines, il s'appelait Joseph Paul Yvon Michel Poulain. La seule question à savoir à son sujet, fera-t-il son coming out un jour? Là est la question. Sinon, Fernand Gignac, que dire sur cet homme? Des camps, lui. Il y a un album et des vinyles aussi, des 45 tours. Il a présenté des milliers de spectacles, des millions d'albums. Et son plus grand succès, je pense, c'est Donnez-moi des roses. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Le temps qu'il nous reste. Ça fait toujours pleurer les grands-mamans. Et oui! Vous êtes en ma compagnie, François Gécouillard, et puis on va maintenant écouter cette émission-ci, là, le Cirque Aquatique Magique, on fait vraiment n'importe quoi. Pour preuve, on va maintenant aller écouter quelque chose qui change complètement d'univers. The Undertones. Et la pièce s'appelle True Confessions. Ah, j'ai aussi une primeur à vous annoncer. L'artiste Wartin, auquel j'ai consacré une émission il y a quelques semaines, va lancer un album studio en décembre. Ça va être un EP. Alors on reste bien syntonisé à ces cueillas parce qu'on va probablement en passer. Je vous en passe un papier. For a fact, I got a picture from your sister. It's writing on the back. des actions en espérant que ça allait juguler le terrorisme, mais alors que c'est en train de faire complètement l'inverse. Thank you. Ah là là là. Pourquoi ne te réveilles-tu pas, maman? Disons que c'est une chanson assez spéciale, assez triste. Psycho, interprétée cette fois par Eddie Nowak. Une pièce qui s'est insinuée dans un bloc dédié à The Undertones, un groupe irlandais. Une pièce qui s'appelait Family Entertainment et la première s'appelait True Confessions. The Undertones, mine de rien, c'est un groupe qui a influencé un groupe qui vient de l'Irlande, qui a influencé beaucoup la scène punk. Apparemment, un des groupes les plus influents avec U2 qui vient de l'Irlande. C'est un groupe qui s'est fondé en 75, toujours actif aujourd'hui. En 76, ils ont découvert le groupe The Stooge avec The Ramones. Les maudits Ramones, hein, c'est vraiment les ambassadeurs du punk. Quand ils sont mis à jouer, c'est tout d'un coup, le punk s'est mis à fleurir en accident. Et c'est en 76, donc, il y a un groupe de Belfast qui a décidé d'éditer leur premier single environ fin 78. Alors que le groupe n'a presque pas joué en dehors de la ville de Derry, en Irlande du Nord. Et leur premier album obtient la 13e place des palmarès. Ils se mettent alors à jouer en première partie de The Clash. Et voilà, le reste, c'est de l'histoire. Disons que ça a commencé très, très rapidement pour ce groupe-là. Ça a été très rapide. Et la chanson Psycho, hein? C'est absolument hallucinant, cette chanson-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que dans le country, ils se tuent à faire des chansons aussi tristes? Pourquoi? En même temps, ça donne de quoi de tellement bon. C'est l'histoire d'un psychopathe qui tue son chien, qui tue sa petite amie, il tue tout le monde, puis à la fin, ben, il raconte ça à sa mère, et puis à la fin, même sa mère meurt. Et oui, c'est triste comme ça. Le country, ça amène vraiment à tout. On va écouter maintenant deux pièces de Eugene McDaniels, tirées de l'album Headless Heroes. Oh là là, vous êtes au Cirque Aquatique Magique avec François Gécouillard. Nobody knows who the machines. These are the kings in the master game. The player who controls the board and the kings are the same. We are the cannon fodder. Supermarket manager hit me from behind, brought me to my knees, y'all. I got the supermarket blues, and it's really much more than I can ever use, yeah. I got the supermarket blues, if I could choose, it's really them I'd like to lose. When I came to, sirens were wailing away. When I touched my face, my hand turned red. As I struggled from the floor, the crowd called out for more. Some old lady kicked me in the head. God damn. For God's sakes, lady, I only want to trade a can of peas for a lousy loaf of bread, uh-huh. Just then a cop rushed in and joined the fun, threatened my life with some lead, y'all. I got the supermarket blues. It's really much more than I can ever use, yeah, yeah. I got the supermarket blues. If I could choose, it's really them I'd like to lose. Remember ranting and raving and quoting my constitutional civil right. I think I got one left, The old lady who kicked me in the head called me a communist jerk and just generally got uptight, y'all. She said, how can a savage like you know anything, boy? You ain't even white. God damn. Really wish I'd stayed home and gotten high, instead of coming into the street and having this awful fight. Got the supermarket blues. It's really much more than I can ever use. I got the supermarket blues. If I could choose, it's really them I'd like to lose. I got the supermarket blues, if I could choose, it's really them I'd like to lose. I got the supermarket blues, if I could choose, it's really them I'd like to lose. Le blues du centre d'achat. Pourquoi pas? La belle voix que vous entendiez, c'était celle de Eugene McDaniels. La première pièce s'appelait Headless Heroes, du nom de l'album. Et c'est qui ça, ce Eugene McDaniels? Un disque fait en 1971. On dirait que tout ce qui s'est fait de bon dans l'univers, c'était au début des années 70. Toutes les révolutions, tous les plus beaux édifices. Regardez le complexe jeu à Québec. 1972. Oh là là là là. Il y avait du goût dans ce temps-là. Et apparemment que le vice-président du président Nixon... Le méchant, là. Ben, le vice-président, il aurait appelé apparemment Atlantic Records pour se plaindre des paroles de cet album-là. Et donc, la publicité pour l'album, c'est tari. Et puis, c'est devenu un album extrêmement rare. Un des albums funk les plus rares de cette époque. Et bon, ça méritait pas vraiment un téléphone de la Maison-Blanche parce que... Dans le fond, McDonald's, ce qu'il dit, c'est que toutes les luttes des humains, ça sert à rien parce que il y a des forces obscures qui contrôlent toutes nos actions, les Headless Heroes, et que toute protestation sans action est futile. Et la chanson Supermarket Blues, ça parlait un peu d'une histoire de racisme, tout ce qui est de plus ordinaire. Et voilà. Alors, on va se quitter très bientôt, mais vous savez, vous avez toujours une petite surprise, un petit cadeau pour avoir écouté jusqu'à ce moment-ci, jusqu'à la fin de l'émission. Merci de l'avoir fait, d'ailleurs. Vous avez maintenant la dernière chronique. Oh! Oh! Oh! Le bureau d'exploration aléatoire. Aujourd'hui, le vinyle que j'ai entre les mains, on dirait la sosie d'un chef mafieux. Il est marqué avec amour et amitié. Monsieur 100 000 volts lui-même, les 20 plus grands succès, tel qu'annoncé à la TV. Alors, qui c'est ce gars-là? Je sais pas, mais l'album a été enregistré à Longueuil. Ça risque d'être bon. La pièce s'appelle Et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Hey boy. Que sera ma vie? C'est parti! De tous les gens qui m'indiffèrent. Maintenant que tu es parti toutes ces nuits. Pourquoi, pour qui? Pourquoi, pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Qui va? Même chose. Pour qui, pourquoi? La première venue de Jésus, fort, c'est pour sauver. La question se pose encore aujourd'hui. Cher ami, es-tu sauvé? Vers quel néant il serait? Tu m'as laissé la terre entière. Mettre mes jours aussi arrogants qu'un lit d'hôpital, comme en une journée inhospitalière. Soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien, même Paris crève d'ennui. Oui, toutes les rues. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Que vais-je faire? Je vais en rire. Que vais-je faire? Pour ne plus pleurer. Pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Et je lève au matin, pas. Au matin. Ils ont peur de nous autres, hein? Je te lave. Et puis un soir, dans mon miroir, mix. Je verrai bien. Bonsoir, on vit en société. On pourra-tu avoir les moyens collectifs pour organiser cette société-là? Serge Roy! Au moment de gracieux. Non seulement on va se battre tous les jours des 37 prochains jours pour le Canada auquel nous croyons, mais en plus on va avoir du fun! Oh, on te croit, Stéphane Dion. On te croit. Et on croit aussi que c'est la fin du Cercle Aquatique Magique. Vous pouvez réécouter, par contre, toutes les émissions sur jeunefou.blogspot.com. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. François Gécouillard au micro. Et on se dit à la semaine prochaine.